Le roman de Renard, livre 11. Comment Renard et Primo allèrent à la foire et du bon marché qu'ils firent en chemin. Au point du jour, les deux amis se levèrent et plièrent les vêtements du curé, à la guise des marchands. Primo coupa une hartte et l'épandit à son cou. Renard se plaça derrière lui comme son valet, et dans cet appareil, ils prirent gaiement le chemin de la foire. Ils ne marchèrent pas longtemps sans faire la rencontre d'un prouvaire qui justement se rendait à la foire pour y acheter un surplis, une étole et une aumusse. Mais il voulait commencer par aller déjeuner chez un de ses confrères, auquel il portait une noix des plus tendres et des plus grasses. Renard fut le premier à l'apercevoir. Bonne aventure, compin, dit-il à Primo. Je vois là devant nous un prêtre qui, si je ne me trompe, va nous être d'un grand secours. Peut-être nous achètera-t-il nos habits. Ce serait autant de gagner, car en pleine foire, on peut nous soupçonner de les avoir volés, et nous paierions alors un mauvais lecho. D'ailleurs, le prouvaire porte un bel oiseau dont nous aimerions assez goûter. Que vous en semble? Il faut faire ce que tu dis là. Le prêtre, quand ils passèrent, leur dit en relevant par courtoisie le pan de son manteau. Dieu vous garde, beau sire. Vous aussi, dompe prêtre, et votre compagnie. Parlant ainsi, Renard regardait l'oison. Quel vent suivez-vous? Repartit le prêtre. Et de quel pays arrivez-vous? Nous sommes des marchands anglais, et nous allons à la foire porter un assortiment complet de prouvaires, l'aube, la chasuble, de bel et bon samite, l'étole, l'ami, le fanon, la ceinture. C'est nous qui fournissons les chanoines de la prochaine église. Mais si vous en avez besoin, dans Prouvaire, nous vous donnerons la préférence, et nous vous laisserons le tout pour ce qui nous a coûté. Avez-vous tous ces habits avec vous? Oui, sire Prouvaire, ils sont là dans nos bagages, très bien serrés. Voyons-les, je vous prie. Je ne venais à la foire que pour en acheter, et si vous êtes raisonnable, je m'en accommoderai. Oh, pour cela, vous serez content de nous. Primo met alors sa charge à terre et montre les habits. Le prêtre les examine. Il n'est besoin, dit-il, de longues paroles. Combien m'en demanderez-vous? Je vous le dirai sans surfaire. Cédez-moi votre oison et les habits sont à vous. Bien parlé, ma foi, j'y consens. Prenez-le et baillez-moi les vêtements. L'échange se fait aussitôt. Primo prend avec joie l'oison qui était gras et bien fourni. Il le met à son cou et détale au plus vite, sans même penser à prendre congé de Renard. Celui-ci de courir après et de le rejoindre avec l'espoir d'être admis au partage. L'un suivant ainsi l'autre, ils gagnèrent la lisière du bois, peu soucieux des vilains qui, de temps à autre, leur barrent le passage, et chemin faisant, ils riaient de bon cœur. Primo, surtout, de la sottise du prouvaire, qui avait pu donner une si bonne bête pour quelques habits. Arrivé sous un grand chêne, Primo mit l'oison à terre et, prenant les devants sur les réclamations de son compagnon, « En vérité, Renard, nous avons eu tort de ne pas demander au prouvaire un second oison. Je suis sûr qu'il nous l'aurait donné. Tu sais que ce n'est pas pour moi que je parle. Seulement j'ai regret de voir que tu n'es pas aussi bien partagé que moi. Comment, sire Primo? Voudriez-vous me fausser compagnie et m'exclure du partage? Le partage? Pour cela, tu n'y penses pas. Et que dirait mon patron, le bon Saint-Leu? Pourtant, vous aurez grande honte et vous ferez un péché mortel si vous gardez tout pour vous. Voilà des paroles bien inutiles. Ai-je besoin de tes serments? Si tu as faim, qui t'empêche de faire un tour dans le bois et d'y chercher ta proie comme les autres jours? Renard ne répond pas. Il sait qu'ici, les reproches ne lui serviraient guère. Pour menacer et défier Primo, il faudrait être aussi fort que lui. Et Renard se rend justice. Il aima mieux s'éloigner, mais il était surtout fâché d'avoir trouvé son maître en félonie. « Dans Primo, dit-il, vient de jouer mon personnage en vérité, je le croyais plus sot. Il m'a fait ce qu'on appelle la compagnie Tessot. J'aurais dû me défier de cet odieux glouton. » Mais s'il est vrai que je sache mieux leurrer qu'un bœuf ne sait labourer, je prends à témoin mes bons amis les bourgeois d'Arras, que personne à l'avenir ne pourra se vanter, ô ma chère Hermeline, de faire repentir ton époux de sa bonne foi.